السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أسماء الله تبارك وتعالى الستير أو الستير، ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير أو ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره، والبيهقي في السنن الكبرى رحمه الله، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات، في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر. كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور، فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال. فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان الذي أمروا به. صحح إسناده ابن كثير في تفسيره، والسيوطي في الدرر المنثور أو في در المنثور رحمة الله عليهم. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a As-Sittir. Certains savants disent que ça se prononce plutôt As-Satir. Et ce nom-là a été mentionné dans la sunna du prophète alayhi salat wa salam, dans le hadith de Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit un homme se laver en plein air sans se couvrir d'un pagne. Il monta par la suite sur le minbar, loua Allah et fit son éloge avant d'exhorter les gens. Certes, Allah est pudique et c'est celui qui couvre. Il aime la pudeur et caché, ou bien le voile. Aussi, quand l'un de vous se lave, qu'il se couvre. Ibn Abi Hatim rahimahullah dans son exégèse, ainsi que l'imam al-Bayhaqi rahimahullah dans Sunan al-Kubra, mentionne que Ikrima, et rapport d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, que deux hommes le questionnèrent sur les trois moments de nudité où Allah ordonne dans le Coran, à savoir dans Surat An-Nur, le verset 58, de demander la permission avant d'entrer. Et pour que ce soit plus clair, je vais vous mentionner le verset duquel il s'agit, donc, dont il est question ici. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أو ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم جناح ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Pour traduction, la traduction des sens approximative. Dans ces versets, Allah Azzawajal nous ordonne donc de demander la permission d'entrer à toute personne qui souhaite entrer auprès de personnes, ou plutôt de demander la permission avant d'entrer à trois moments. Avant la prière de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la prière de nuit, ainsi qu'après la prière de la nuit. Trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche à vous, ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Donc là, m'a questionné Ibn Abbas au sujet de ces trois occasions de se dévêtir. Je poursuis la lecture du texte. Ibn Abbas expliqua, certes Allah est-sitir ou est-satir, et il aime couvrir. Au début, les gens n'avaient ni rideau sur leurs portes, ni teinture chez eux. Il arriva alors qu'un domestique, un enfant ou un orphelin recueilli surprenne l'homme dans sa pièce privée au moment où il avait des rapports avec son épouse. Pour cette raison, Allah a enjoint aux croyants de demander la permission d'entrer à ces trois moments qu'il a mentionnés dans son livre, c'est-à-dire dans Surat An-Nur, le verset 58. Puis l'ordre est descendu de poser des voiles aux portes. Le Seigneur a donc accordé aux croyants ses faveurs, afin qu'ils puissent se procurer des rideaux. Ces derniers en ont profité pour se confectionner des teintures pour les chambres. Cette disposition suffisait à leurs yeux pour les dispenser de demander la permission d'entrer à ces trois moments intimes. Donc Ibn Abbas, rahimahullah ta'ala, nous mentionne également cela. Expliquons ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-satir, ou as-sitir, أي الساتر الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم وهذا فضل من الله ورحمة وحلم منه سبحانه وكرم فالعبد قد يقارف شيئا من المعاصي والآثام مع فقره الشديد إلى ربه سبحانه حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك. Donc le sens de ce nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui couvre énormément ses serviteurs. C'est celui qui cache, qui couvre énormément ses serviteurs. Il ne les dévoile pas. Il ne les dévoile pas au regard des gens. Et il aime, c'est celui qui aime que ses serviteurs se couvrent, se cachent, ne dévoilent pas ce qui amènerait à attirer la honte, ce qui les dévoilerait, ce qui les mettrait dans une humiliation ou un déshonneur. Allah Azza wa Jal, c'est donc celui qui couvre énormément ses serviteurs. Il ne les expose pas, il ne les dévoile pas au regard des gens. Et c'est également celui qui aime de la part des serviteurs qu'ils se couvrent eux-mêmes, qu'ils ne se dévoilent pas, qu'ils ne se mettent pas dans une posture qui leur amènerait la honte, l'humiliation ou le déshonneur. Et ceci est une énorme grâce de la part d'Allah et une miséricorde. Cela nous montre également son indulgence envers nous et sa perfection. Sans aucun doute, il arrive aux serviteurs de commettre des actes de désobéissance et des péchés. Bien qu'il ait grandement besoin de son Seigneur. Le serviteur désobéit Allah Azzawajal de temps à autre, alors qu'il est dans un besoin extrêmement fort et qu'il est complètement dépendant de son Seigneur, exempt soit-il de tout défaut. À un point tel qu'il n'est en mesure de lui désobéir, que le serviteur peut désobéir à son Seigneur, qu'en cédant des bienfaits qu'Allah lui a accordé. Comme lui, la vue, et les mains, les pieds, la santé, l'argent et d'autres choses semblables. Allahu Akbar. Malgré tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous couvre. Allah nous couvre. Il nous préserve. Il ne nous dévoile pas. Allah Azza wa Jal aime de notre part, à notre tour, qu'on se préserve, qu'on se couvre et qu'on cache ce qui pourrait amener notre humiliation. Et tout cela est une grande grâce de la part d'Allah, une miséricorde, ça nous montre son indulgence et sa perfection. Le serviteur désobéit Allah alors qu'il ne peut se passer de lui. Malgré tout cela, Allah le couvre. Wa Rabbu subhanahu ma'a kamali ghinahu 'anil khalqi kullihim wa 'an ta'atihim wa 'ibadatihim. يكرم عبده ويستره ويستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به ويقضي له من أسباب الستر ويوقفه للندم والتوبة ويعفو عنه ويغفر له وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال تعالى وما يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Le Seigneur, exempt soit-il de tout défaut et de toute ressemblance avec ses créatures, à la perfection absolue ou bien se passe à la perfection, se passe totalement et complètement de l'ensemble de ces créatures, de leur obéissance et de leurs adorations. Mais malgré tout cela, il honore son serviteur. Il est généreux et bon envers lui. Il le couvre. Allah subhanahu wa ta'ala le couvre. Il a honte de le dévoiler. Il a honte de le dévoiler, de l'exposer, de lui faire subir son châtiment. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal se passe totalement et largement des mondes et de toutes ses créatures. Il n'a besoin ni de nous, ni de nos adorations, ni de notre obéissance. Malgré tout cela, il honore son serviteur, il le couvre. Il a honte de le dévoiler. Il a honte de le dévoiler, de l'exposer, et de faire descendre sur lui la punition et le châtiment. Il lui décrète même les causes qui amèneront ce voile, qui amèneront cette protection, qui amèneront à ce qu'il ne soit pas dévoilé. Ainsi, il le guide au regret. Ainsi, il lui accorde la réussite en mettant dans son cœur le regret et en lui accordant le repentir. Il lui absout ses fautes et lui pardonne ses péchés. Et tout cela relève de sa bonté envers ses serviteurs, de sa douceur, de sa miséricorde envers ses serviteurs. Dans Sourate At-Tawba, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: ne savent-ils pas qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs? Ne savent-ils pas qu'Allah accueille le repentir de ses serviteurs et qu'il agrée ou accepte les aumônes et qu'il est l'indulgent, le miséricordieux, le très miséricordieux? Dans Sourat An-Nisa, quiconque commet un mal ou commet une propre injustice à son égard, puis demande pardon à Allah, trouvera certes Allah grand pardonneur, très miséricordieux. Dans Sourate Ash-Shura, et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. Ici, on nous montre qu'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui couvre ses serviteurs. Et il les guide aux causes qui va amener ce voile et cette couverture, cette protection. C'est-à-dire le regret et le repentir. وَلِهَذَا فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ أَيُّذِيعَهَا وَيُشَهِّرَهَا بَلْ يَدْعُوهُ إِلَىٰ أَنْ يَتُوبَ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَسِتْرُ اللَّهِ مَسْبُولٌ عَلَيْهِ لَا أَنْ يُظْهِرَهَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيْهِ مَنْ بَاتَ عَاصِيًا وَاللَّهُ يَسْتُرُهُ ثُمَّ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et c'est pour cela qu'Allah, exempt soit-il de tout défaut, déteste de la part de son serviteur qui est tombé dans le péché qu'il informe autrui de cela et propage ses propres fautes. Allah Azza wa Jal déteste ce serviteur, celui qui commet des fautes, des péchés, et ensuite il s'en va diffuser et rendre public le péché qu'il a commis. Subhanallah. Allah nous invite plutôt. Allah nous appelle plutôt à se repentir à lui. Allah nous dit de nous repentir à lui, entre nous et Allah. Allah Azza wa Jal nous invite à se repentir, nous invite au repentir, et que ce soit en privé, entre le serviteur et Allah. Si cela ne touche pas un droit de la créature, si tu n'as pas commis un tort à la créature, si tu n'as pas volé la créature, si tu n'as pas transgressé un droit de la créature, si tu n'as pas insulté la créature, tu n'as pas fait mettre de médisance sur la créature, tu n'as pas mal parlé, ainsi de suite. Que se repentir pour ce péché qui n'est pas en relation avec Ibn Adam soit entre toi et Allah Azza wa Jal, entre nous et Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nul besoin de le mentionner aux créatures, nul besoin de faire savoir son péché à la créature. Alors que le voile d'Allah, le couvrait, alors que le voile d'Allah était abaissé sur lui. Il ne doit divulguer sa faute à quiconque. Et la personne la plus détestable chez Allah est celui et celle qui passe la nuit dans la désobéissance d'Allah, tandis qu'Allah la couvre. Et au matin, elle ôte ce voile qu'Allah avait posé sur elle. Allahu Akbar. وقد جاءت السنة بالنهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. Et la sunna nous est venue en condamnant, en interdisant au serviteur de se dévoiler, c'est-à-dire de mentionner ses péchés qu'Allah avait couverts. ففي الصحيحين dans le recueil Imam Bukhari et Imam Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه سورة أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: toute ma communauté sera graciée. Toute ma communauté sera graciée. Sauf ceux qui divulguent les péchés. Ou sauf ceux qui font leurs péchés en public. Et certes, entre dans cela le fait de se dévoiler. Certes, entre dans cela, c'est-à-dire le fait de se dévoiler, le fait que l'homme commette durant la nuit un acte et Allah l'a couvert, donc un péché. Allah, son Seigneur, Allah l'a couvert. Puis, il s'en va et dit: oh, un tel, j'ai fait ceci et cela hier. Il cite ses péchés. Il cite ses péchés. Oh, un tel, j'ai fait ceci et cela hier soir. Pourtant, il a passé la nuit en étant couvert par son Seigneur. Et au matin, il ôte le voile qu'Allah, ou il ôte le voile d'Allah qui était sur lui. Donc, ceci est un péché. Ceci est un péché et c'est une cause pour qu'Allah ne nous pardonne pas. Le fait de commettre des péchés, c'est haram. Et le fait de les mentionner après les avoir commis alors qu'Allah nous avait couverts, c'est un péché dans le péché. قال ابن بطال رحمه الله في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين وفي ضرب من العناد لهم وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف لأن المعاصي تذل أهلها ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجب حدا وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة والذي يجاهر يفوته جميع ذلك ذكره ابن حجر في الفتح أو في فتح الباري رحمة الله عليهم. Ibn Battal رحمه الله تعالى dit: la divulgation du péché contient un manque de respect face au droit d'Allah, de son messager, et des pieux parmi les croyants. C'est comme un affront. C'est une forme d'obstination envers eux. En revanche, la dissimulation de cette désobéissance permet d'éviter le mépris. En d'autres termes, celui qui désobéit à Allah, c'est comme s'il puis va divulguer son péché, c'est comme s'il ne respectait pas Allah. C'est comme s'il méprisait l'ordre d'Allah. Car les péchés, quant à celui qui se préserve de cela, il se sera mis à l'abri. Parce que les péchés humilient les fautifs, lesquels encourent le cas échéant la sanction prévue par la loi ou éventuellement une autre punition. Une autre punition. Dans le cas contraire, ou s'il ne s'agit pas du droit, s'il ne s'agit que du droit d'Allah, Allah est le Seigneur le plus généreux des généreux. Sa miséricorde précède sa colère. Par conséquent, s'il couvre en ce bas monde son serviteur qui a commis des fautes, il ne le dévoilera pas dans l'au-delà. En revanche, celui qui rend public son péché perd tout ce bénéfice mentionné ici. Donc ce qu'on comprend de cette parole, c'est que de dévoiler ses péchés, d'en parler à autrui alors qu'Allah avait couvert le serviteur, c'est un manque de respect envers Allah et son droit. Un manque de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appelés à revenir vers Allah, délaisser les péchés, qui nous a avertis vers les punitions, que ce soit dans ce bas monde ou l'au-delà. C'est un manque de respect envers les personnes pieuses. C'est un manque de pudeur. C'est également une forme d'obstination envers eux. لذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة اللهم إنا نسألك من فضلك يا ستير. L'imam muslim rahimahullah ta'ala, ou c'est pour cela que dans le recueil de l'imam muslim, dans le hadith de Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah ne couvre pas un serviteur dans ce bas monde sans le couvrir également le jour de la résurrection. » Allah ne couvre pas un serviteur dans ce bas monde si ce n'est qu'il le couvrira également le jour de la résurrection. وروى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. L'imam al-Bukhari, l'imam muslim rapporte d'après Abdullah ibn Omar radiallahu anhum, un homme l'interrogea, qu'as-tu entendu au sujet de la confidence de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn Omar lui a répondu, je l'ai entendu dire au sujet de la confidence que le serviteur se rapprochera de son Seigneur. Si bien qu'il posera son voile sur lui et dira ensuite « Tu as commis ceci et cela, tu as fait ceci et cela », le serviteur répondra « Oui ». Il lui dira à nouveau « Tu as commis ceci et cela », le serviteur répondra « Oui ». Il lui fera reconnaître ses péchés. Il lui fera reconnaître ses péchés. Au final, il lui dira « Inni satartu alayka fid dunya. Je te les ai couverts dans ce bas monde. وأنا أغفرها لك اليوم. Et je te les pardonne en ce jour. C'est-à-dire le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal est celui qui couvre par excellence. Il couvre son serviteur dans ce bas monde et il l'honore encore plus dans l'au-delà en lui effaçant cela. Comment est-ce qu'après cela, le serviteur peut se permettre d'aller raconter ses péchés et ses fautes? Pire encore, cette génération qui filme tout, qui photographie tout, cette génération qui a mis sur son téléphone Snapchat ou qui a des chaînes sur YouTube ou qui a Instagram et beaucoup d'autres moyens de communication, ils commettent des fautes, se filment en train de commettre ces fautes, puis les propagent et les divulguent. Ceci est réellement de la bêtise. Si les savants parlent, ou si Allah nous parle du bienfait sur lequel on sera questionné, puis vous serez interrogé, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah, sur les bienfaits, sur l'eau fraîche que tu peux boire, sur la date que tu peux manger, sur tout cela tu seras questionné. Que dire alors des péchés, subhanallah? Ils prennent leurs péchés en photo. Ils filment leurs photos. Et ensuite, ils propagent cela. Ensuite, ils propagent cela. Certains se félicitent même et rivalisent dans la bêtise et dans la saleté. Ils rivalisent. Ils brûlent des voitures. Ils les filment et pensent qu'ils sont forts de par cet acte de soumission au diable. Et cette désobéissance et ce défi lancé à Allah tabaraka wa ta'ala, le dominateur suprême. L'autre, elle se filme, dévêtue, et elle montre cela pour tenter les gens. Elle ne se respecte pas. L'autre encore, se filme en train d'agresser une personne. D'autres encore, filment les propres femmes de leur famille pour montrer cela. Et j'en passe. Et j'en passe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala aime pour nous qu'on couvre cela. Et d'autres s'obstinent à dévoiler et à montrer tout cela. Certains et certaines se prennent en photo et mettent cela en photo de profil sur WhatsApp par exemple. Ou dans d'autres moyens de communication. Pour se faire voir. Elle se montre, elle montre sa personne et dévoile ainsi ce qu'Allah Azza wa Jal avait couvert. L'autre raconte ses péchés dans sa jeunesse. Hommes et femmes, poussés par le diable qui les excite dans son péché, dans sa désobéissance. Certains sont même fiers d'énumérer leurs péchés, comme s'ils attendaient une médaille, alors que la personne pieuse regrette ses fautes, alors que la personne pieuse pleure pour ses fautes, alors que la personne pieuse redoute un jour terrible où les regards et les cœurs seront bouleversés, redoute le retour vers Allah pour être jugé, redoute le jour de la balance où la balance sera établie au niveau du poids d'une petite fourmi ou d'un grain de moutarde. Subhanallah, au lieu de se repentir, on va énumérer nos péchés, mentionner nos péchés aux gens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sans aucun doute, le diable a eu raison de celui qui se comporte ainsi. Ce qu'il convient de faire, c'est de pleurer pour nos fautes. Allah Azza wa Jal ne brûlera pas le visage de celui qui a pleuré par crainte de lui. Et il n'y a pas une meilleure larme qui est versée que la larme qui coule par peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il faut revenir vers Allah, il faut se repentir, demander pardon pour ses fautes passées, demander à Allah d'être préservé. Demander à Allah Azza wa Jal de nous couvrir, tout faire pour ne plus retomber dans ce péché, par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, par espoir en la miséricorde d'Allah, par amour pour lui tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est un point très important, il faut conseiller ceux qui ont cette faiblesse de religiosité ou cette ignorance. Ça va jusqu'à un point où hier on m'informe qu'une musulmane peut-être voilé même, psychologue, naam, psychologue, qui fait une vidéo, donc en se montrant, sur un moyen de communication, Instagram ou un autre, et qui a été vu par plus de 300 000 personnes apparemment. Et ce qui apparaît est que elle tente de corriger un mal et d'aider certaines personnes ayant commis certains péchés. Mais son ignorance profonde et ses erreurs manifestes l'ont fait tomber dans des choses gravissimes. Puisse Allah nous pardonner et lui pardonner et lui permettre de revenir sur cela pour se corriger. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La faute est gravissime. Si on s'en rend compte, et si on ne s'en rend pas compte, c'est encore plus grave. Son discours était de dire que certaines femmes, donc elle parle de femmes, mais en réalité ce péché concerne les hommes et les femmes. Mais elle parle en disant que certaines femmes ont commis la fornication avant le mariage. Et ça les anéantit tellement, ce péché, qu'elles tombent plus bas que terre, ne se considèrent plus, et finit par se marier avec une personne à l'image de comment elle se voit désormais, c'est-à-dire très basse. Et elle poursuit en disant, donc ce n'est pas ses paroles exactes, mais en gros, ça n'est pas très grave. Allahu Akbar. La fornication, ça n'est pas très grave. C'est un grand péché. Allah Azzawajal nous a avertis contre cela. Il nous a mentionné des punitions très sévères à ce sujet. Dans le Coran, le prophète alayhi salat wa salam a énuméré des punitions qu'Allah a préparées pour le fornicateur ou la fornicatrice. C'est parmi les péchés capitaux. Et cette femme-là minimise le péché. C'est encore plus grave que le péché lui-même, comme dit Ibn al-Qayyim, de mépriser, de minimiser le péché. Elle va jusqu'à dire que certains exagèrent en donnant un caractère sacré au corps de la femme maghrébine ou africaine, musulmane. Subhanallah. Mais si l'honneur de la musulmane, maghrébine comme elle dit, africaine comme elle dit, mais en réalité, l'islam, ça n'est pas une origine géographique, mais quelle que soit l'origine de cette femme, qu'elle soit française, qu'elle soit maghrébine, africaine, qu'elle soit d'Amérique latine, qu'elle soit des États-Unis, qu'elle soit, elle, son honneur est sacré, subhanallah. Comment est-ce qu'une femme peut tenir ce discours en s'adressant à des femmes? Bien sûr que son honneur est sacré, bien sûr que le croyant est sacré, encore plus que la Kaaba, comme ça nous a été mentionné. Elle dit, en gros, c'est rien. Elle était amoureuse. Elle a tenté une expérience. Et c'est passé, voilà. Et à une limite, il n'y a pas de quoi se rendre malade, et ainsi de suite. Wallah, il y a de quoi pleurer par crainte d'Allah. Il y a de quoi se repentir, avoir peur de son châtiment. Il y a de quoi se couvrir. Puis, en effet, si la personne s'est repentie, elle a regretté. Naam, elle fait tout pour ne plus retomber dans ce péché. Elle se réforme, elle se corrige. À ce moment-là, elle n'est plus fornicatrice. À ce moment-là, elle n'a plus ce jugement. À ce moment-là, Allah l'honore, l'élève, l'anoblit. Wallahu al-musta'an. Mais ce discours rempli de laxisme pourrait laisser des gens tomber dans ce péché en se disant, ben, c'est pas si grave finalement. Ce discours vient à l'encontre de la nasiha, du conseil à prodiguer. Ce discours vient à l'encontre de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'avertissement dans les textes. At-tarhib. Si cela est la naseha d'une femme musulmane aux femmes, mais subhanallah, comment est-ce que de nos propres mains on peut détruire mieux que ce que l'ennemi ferait chez nous? Allahul Musta'an. Ça n'est qu'un exemple. Ça n'est qu'un exemple parmi les exemples. Et on espère qu'Allah le mette sur son chemin une personne qui la conseillera sincèrement, en voulant son bien et qu'elle se corrigera très prochainement. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, du fait qu'il aime couvrir ses serviteurs, yom al-qiyama, il rapproche son serviteur, il le couvre, il le couvre, il lui fait reconnaître ses péchés. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut s'imaginer, sans aucun doute, périr? Mais Allah Azza wa Jal est celui qui couvre. Et lorsqu'il te couvre dans ce bas monde, c'est qu'il veut t'honorer dans l'au-delà. Mais nous, on ne doit pas rester dans le péché. On doit avoir peur d'être dévoilé. Ça ne doit pas être une cause pour se sentir à l'abri du châtiment d'Allah, mais plutôt une cause pour avoir honte d'Allah Azza wa Jal, pour avoir de la pudeur réelle envers Allah, pour avoir encore plus d'amour envers celui qui nous couvre alors qu'on lui désobéit, alors qu'on a besoin de lui et qu'il n'a pas besoin de nous. On doit se repentir, regretter sincèrement. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Nadamu tawba ». Le regret, c'est déjà un repentir, et celui qui se repent est comme celui qui n'avait jamais péché. Qui n'a jamais péché. Donc Allah Azza wa Jalla pardonnera à ces gens-là le jour dernier. وفي هذا أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتها. Et dans cela, dans ce hadith-là, apporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, on nous montre que l'obligation, que ce qui incombe aux serviteurs, c'est de faire des efforts afin de s'éloigner des péchés. Afin de s'éloigner des péchés. Voici ce qu'il faut comprendre. Non pas que vu qu'Allah couvre le serviteur, il peut se laisser aller. Non, il faut faire peur aux gens de commettre des péchés. Lisez le livre Ad-Dawa Ad-Dawa d'Ibn al-Qayyim. Ad-Dawa Ad-Dawa, la maladie et le remède. Ils l'ont écrit péché et guérison. Ils l'ont intitulé péché et guérison. Lisez ce livre-là. Wallahi, c'est un trésor qui aide le serviteur à délaisser les péchés, qui lui montre la gravité des effets des péchés. Très loin, yani, de ce type de discours que j'ai mentionné précédemment. Donc, ça pousse le serviteur à s'éloigner des péchés et à tout mettre en œuvre afin de ne pas les commettre. وَإِذَا أَلَمَّ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ يَسْتُرَ نَفْسَهُ وَيُبَادِرَ إِلَى التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَيُكْثِرَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ. Dans le cas où il succombe à un péché. Donc après avoir enduré, après s'être éloigné, après avoir fait les causes pour ne pas pécher, dans le cas à supposer qu'il glisse, que devra-t-il faire ensuite? Il ne devra pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Il ne devra pas dévoiler son péché. Mais on nous dit ici, il devra couvrir sa faute. Et il devra s'empresser de revenir vers Allah avec un repentir. Il devra lui demander pardon. Il devra revenir vers Allah Azza wa Jalla avec son obéissance. Et il devra aussi multiplier les bonnes œuvres. Comme dans Sahih Muslim, an Abdillah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Qala ja rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah inni alajtu imra'atan fi aqsa al-madina wa inni asabtu minha ma duna an amassaha. فَأَنَا هَذَا فَقْضِ فِيَّا مَا شِئْتِ. Écoutez ce hadith. Écoutez la miséricorde qu'il y a en islam. Écoutez comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam se comportait envers les pécheurs qui regrettaient, qui souhaitaient revenir vers Allah, qui avaient peur de la punition d'Allah et qui espéraient le pardon d'Allah, qui ont aimé Allah azza wa jal plus que tout et toute chose. Abdullah ibn Saoud nous dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, j'ai commis des péchés avec une femme. J'ai commis des péchés avec une femme. à l'extrémité de Médine. À l'extrémité de Médine. Et j'ai commis avec elle tout ce que l'homme fait avec la femme, exception à l'exception du coït. Donc, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle. Me voici donc. Prononce la sentence que tu voudras à mon encontre. Cet homme vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui dit qu'il a commis des péchés au bout de Médine avec une femme. Et qu'il a tout fait, si ce n'est qu'il n'a pas commis le pire. Il n'a pas commis la fornication. Et il se présente volontairement et il lui dit d'appliquer la sentence qu'il voudra sur lui. فقال له عمر. Alors, Omar, radiallahu anhu, lui a dit, لقد صدرك الله لو سترت نفسك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه lui a dit, mais certes Allah t'avait couvert si toi-même tu t'étais couvert. Allah t'a couvert si seulement tu en avais fait de même. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien répondu. فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْتَلَقَ. L'homme s'est levé. L'homme s'est alors levé et s'en alla. فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam رَجُلًا وَتَلَى عَلَيْهِ هَذِي الْآيَةِ. Tout de suite après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya derrière lui un homme pour l'appeler et lui réciter ce verset. Aqimi salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Faqala rajulun min al-qawm, ya nabiy Allah, hadha lahu khassa. L'homme l'a rattrapé et lui a récité ce verset dont la traduction d'essence est « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Certes, les bonnes actions dissipe les mauvaises, les péchés. Ceci est un rappel pour ceux qui se rappellent. Alors un homme qui se trouvait parmi eux a dit, ô prophète d'Allah, est-ce que ceci est propre à lui? Est-ce que ce jugement lui est spécifique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non. C'est pour tout le monde. Allahu Akbar. Il y a de nombreuses années, on m'avait envoyé un audio du grand savant du hadith, Muhammad Nasir Din al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Il mentionne ce hadith en larmes, ou un hadith semblable en larmes. Puis il dit, voici le prêche de la sunna. Voici la miséricorde. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a même pas blâmé. Il ne l'a pas enfoncé, il n'a pas aidé le diable contre lui. Il est venu repentant, il est revenu vers Allah Azza wa Jal. Il lui a plutôt donné ce trésor qui allait développer son espoir et allait faire en sorte qu'il ne cesse d'acheminer vers Allah Azza wa Jal à grands pas. Dans l'autre hadith, le prophète sallam dit « As-salayta ma'ana ». Donc l'homme vient et lui dit « J'ai fait tout ce que l'homme fait avec son épouse, si ce n'est que je n'ai pas commis la fornication avec elle. » Le prophète sallam dit « Est-ce que tu as prié avec nous ?» Il lui dit « Oui ». Il lui dit, il lui mentionne le verset « Certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. » Certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, c'est satir ou sitir. Il couvre ses serviteurs. Puis lorsqu'ils tombent dans une faute, il les couvre encore et leur pardonne leurs péchés. Puis leur facilite et leur facilite le chemin vers lui, le retour vers lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quelle miséricorde, quelle mansuétude, quelle indulgence qu'a notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Allons-nous pas avoir de la pitié envers nous-mêmes, en délaissant les péchés, en revenant vers Allah Azza wa Jal, en se réformant, et en aidant ceux qui n'arrivent pas à délaisser les péchés, à s'en délier, à s'en séparer, en apprenant, en mettant en pratique, puis en les exhortant. Wa min hadha al-ma'ana as-sitr as-sitru 'ala 'ibadillah wa tajannubu hadki astarihim wa tatabbu'i 'awratihim. Entre dans ce sens-là le fait entre dans ces sens-là le fait de couvrir les serviteurs d'Allah, de ne pas les dévoiler, de ne pas se mettre à la recherche de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs défauts, et s'éloigner du contraire, c'est-à-dire de tenter de les dévoiler ainsi de suite. Fafil musnadi wa sunani Abi Daoud, an Abi Barzat al-Aslami, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqal, ya ma'ashara man amana bilisanih, ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. Il nous est obligatoire, ou il nous est interdit, à la base, de dévoiler les fautes, les péchés, les secrets du musulman. Dans le Musnad de l'imam Ahmed et le recueil de Abi Daoud rahimahumallah, Abu Barz al-Aslami rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô vous qui croyez avec vos langues, ô toi qui as cru avec, ô vous qui avez cru avec vos langues, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur, ne médisez pas des musulmans. Et ne cherchez pas leurs défauts. Ne cherchez pas leurs défauts. Car en effet, celui qui cherche les défauts, qui pourchasse leurs défauts, Allah poursuivra ses défauts. Et celui dont Allah poursuit les défauts, il le dévoile au sein de son foyer, dans sa propre maison. Le prophète alayhi salatu wassalam blâme ces gens-là, dont les musulmans ne sont pas à l'abri de leur langue. Ils ont cru avec leur langue, mais la foi n'a pas réellement pénétré les cœurs. Cessez de médire des musulmans. Cessez de médire des musulmans. Ne suivez pas leurs défauts. Ne cherchez pas à savoir leurs fautes. Car celui qui s'adonne à cela, Allah Azza wa Jal va suivre ses fautes. Et celui dont Allah suit les fautes, il le dévoile. Au sein de son foyer. Il y a l'endroit où il est le plus mastour, le plus couvert à la base, Allah Azza wa Jal l'y dévoile. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Dans le recueil d'Imam Bukhari, l'Imam Muslim, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque couvre un musulman, Allah le couvrira le jour de la résurrection. Si tu as vu un musulman faire une faute, un péché, et que tu le couvres, Allah te couvrira le jour de la résurrection. Allah te couvrira le jour de la résurrection. Ne sois pas du nombre de ceux qui, dès lors qu'ils ont connaissance de la faute d'un musulman, d'une musulmane, s'empressent de prendre leur téléphone et d'appeler leurs amis pour leur dire « j'ai vu un tel ou une telle faire ceci, cela » ou « j'ai su ceci et cela » ou « on dit que ceci et cela ». Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. N'as-tu pas, toi, des fautes avérées, réelles? Et si tu as oublié, sache qu'Allah Azza wa Jal n'oublie rien. Tout a été enregistré et consigné. Et Yom Al-Qiyamah, tu auras à recevoir ton livre et tu auras la balance. Ne veux-tu pas que ce jour-là, Allah te couvre? Toi, couvre les fautes de ton frère, de ta sœur. Couvre les fautes de ton frère et de ta sœur. Parmi les causes pour être couvert le jour de la résurrection, ne pas être dévoilé et humilié, le fait que toi, tu évites l'humiliation du croyant. Que tu évites l'humiliation du croyant. Tant qu'il n'y a pas une obligation religieuse à dévoiler, à avertir contre la personne, couvre-la. Couvre-la. Ne te réjouis jamais de la faute commise par le croyant. Ne te réjouis jamais de voir un musulman ou une musulmane succomber à un péché. Ne sois jamais le maillon de la chaîne qui véhicule, que ce soit une rumeur ou que ce soit vrai, ce péché-là, cette faute-là, la personne qui a glissé. Et sache que beaucoup parmi ceux qui s'adonnaient à cela sont morts de les doigts aujourd'hui. Car eux-mêmes ont été éprouvés par la suite par cette chose-là et ont fait pire encore. Et peut-être que les premiers se sont repentis et n'ont toujours pas réussi à se repentir. Wattawfiqu biyadillah. Ça montre clairement la souillure qui a terni le cœur du croyant s'il se comporte ainsi. Quant à celui qui a le cœur saint, il n'entre pas dans ces choses sales. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une des grandes bases des hadiths dans le comportement, nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi » Aucun de vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. N'aimes-tu pas toi qu'on te couvre tes défauts, tes fautes, tes péchés? N'aimes-tu pas toi que ton épouse te couvre? Pourquoi est-ce que tu vas dévoiler alors ton camarade? Souvent, lorsque des femmes se disputent entre elles, elles dévoilent, par exemple, les fautes les unes des autres. Ou les confidences les unes des autres. Et cela est haram. Et la personne qui se comporte ainsi, on a peur qu'Allah la dévoile à son tour. Combien parmi les hommes étaient très proches, des amis fidèles, et lorsqu'ils se disputent, ils racontent la vie privée, les confidences, et ainsi de suite. Et dans la description de l'ami à choisir, de la fréquentation à prendre, les gens de science nous disent, celui qui préserve le secret. Celui qui ne dévoile pas lorsqu'il est en colère ou ainsi de suite, non. Voici un rappel, en espérant qu'il nous soit profitable. Allah Azza wa Jal aime qu'on couvre les fautes du musulman. Aime qu'on ne se dévoile pas, qu'on se repente entre nous et lui. On doit aimer cela pour nous, on doit aimer cela pour les autres. هذا وإن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله عز وجل ويتجنب الذنوب ما ظهر منها وما بطن ويحفظ عورته ويصون عرضه ويتجنب أبواب الرذائل ودروب الفساد ويقبل على ربه تائبا منيبا وأن يرجوه سبحانه أن يحفظه بما يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يستر عيوبه وعورته وأن يمن عليه بالعفو والعافية ويدعو بذلك لنفسه ولمن أحب. Il appartient donc à tout musulman de se couvrir du voile d'Allah, d'éviter les péchés apparents cachés, de préserver son intimité. Il est tenu aussi de protéger, de préserver son honneur et de s'éloigner des portes du vice, de s'éloigner des portes du vice, des mauvaises choses, des voies de la corruption. Il faut qu'il se tourne vers son Seigneur en se repentant, en revenant vers lui, en accourant vers lui, en observant l'obéissance, la droiture. Il doit aussi espérer être préservé par Allah, être protégé par Allah, de par la protection qu'il accorde à ses serviteurs pieux. Il doit aussi lui demander de dissimuler ses fautes, ses défauts, son intimité, et de lui faire don de ses grâces, d'absolution de péché, de pardon, de préservation, et il doit l'invoquer pour lui demander tout cela et invoquer également en faveur de ceux qu'il aime. Et Imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous rapporte le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam invoquait chaque matin et chaque soir. Donc chaque matin après la prière du Fajr, chaque soir avant la prière du Maghrib, il demande à Allah Azzawajal de le couvrir. Il demande à Allah Azzawajal de le couvrir. Il faut donc apprendre cette invocation, la prononcer, l'étudier, bien la comprendre et agir en conséquence. L'enseigner aux épouses, aux enfants, aux proches et la propager. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ne délaissait jamais ses invocations, arrivé au soir et arrivé au matin. Donc on comprend que cette invocation, il faut la dire chaque jour, chaque soir. Quelle est cette invocation? اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Cette invocation signifie: Ô Allah, je te demande la sécurité ou la préservation dans ce bas monde et l'au-delà. Ô Allah, je te demande l'absolution et la préservation ou la santé dans ma religion, dans mon bas monde, dans ma famille, dans mes biens. Ô Allah, couvre mes défauts. Couvre mes défauts. Ou bien couvre mes confidences, yani plutôt mes choses cachées. Cela englobe, comme on le verra dans l'explication, la nudité, donc le corps, la partie qui entre dans la nudité, et également les fautes. Wa amin rawati, et apaise mes frayeurs. Allahumma ahfazni min bayni yaday. Ô Allah, préserve-moi par devant, par derrière, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Et je cherche protection auprès de ta grandeur pour que le sol ne se dérobe pas sous moi. Et tu demandes protection à Allah afin de ne pas être surpris par un châtiment qui sort d'en bas. وقوله في هذا الدعاء اللهم استر عوراتي. La parole du prophète عليه الصلاة والسلام dans cette invocation, والله couvre ma عورة. فيه طلب الستر من الله عز وجل. Ici il y a la demande à Allah afin qu'il nous couvre. والعورات المراد بها. Et ici ce qu'on demande ici, donc la chose cachée, c'est-à-dire les défauts de la personne, عيوب الإنسان وتقصيره وكل ما يسوءه انكشافه, et tout ce dont il n'aimerait pas voir dévoilé, tout ce qui lui causerait nuisance en étant dévoilé. ويدخل في ذلك الحفظ من الانكشاف من انكشاف العورة. Entre dans cela le fait de demander à Allah que notre nudité ne se découvre pas. Donc, je répète, ici on demande à Allah de couvrir nos défauts, nos imperfections, nos péchés, les choses qu'on n'aimerait pas faire savoir, mais également la nudité. Et la nudité de l'homme, c'est-à-dire du nombril au genou. Du nombril au genou. Ça, c'est la aura de l'homme. Il n'a pas le droit de montrer cela à un homme, il n'a pas le droit de montrer cela à une femme. Naam, en dehors de la sienne. Quant à la femme, elle, au sein de ses proches, elle peut montrer ce qui est montré en général, jusqu'à l'endroit où elle met des parures en général, à savoir qu'à la base elle est par exemple en robe de maison, il se peut que ses bras se découvrent, il se peut que ses pieds se découvrent jusqu'à la mi-mollet, que donc elle découvre son visage, ses cheveux, son cou, naam, et un peu plus que cela. Autre que cela, elle a aura pour ces gens-là. Par contre, devant les étrangers, bien évidemment, elle a l'obligation, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, de mettre son jilbab. De mettre son jilbab. Donc elle ne montre pas la chose, ni ses formes, ni ses formes. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, prononçait cette invocation et ne la délaissait jamais. Il la délaissait jamais. Donc on l'apprend, on la prononce et on l'étudie. Celui qui veut l'étudier de manière générale, il revient à l'explication d'Al-Kalim al-Tayyib, où il vient sur le site, il est francophone, il prend l'explication des bonnes paroles, le chapitre des invocations du matin et du soir, particulièrement à cette époque où la pudeur a diminué et où les causes de la propagation, la divulgation de la aura sont multipliés. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا واغفر ذنوبنا وزلاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين